Le chien. Le chat. La vache. Le cochon. La chouette. L'ours. Le canard. La grenouille. Le poisson. L'agneau. La poule. Le coq. L'éléphant. Le dinosaure. La fleur. La voiture. Le camion. Le train. Le camion de pompiers. L'horloge. La trompette. Le robot. Le clown. L'étoile. Le soleil. La pomme. Le raisin. La banane. Les pois.